La bonne promenade. La bonne bouffée de printemps. On se croyait en avril. Vous ne vous êtes pas ennuyée, vraiment? Avec vous, ma chère, mais vous êtes tout simplement la plus charmante femme que je connaisse. Des compliments, monsieur. Mais non pas, la vérité, sous sa forme la plus brutale. Quelle jolie excursion j'ai faite dans votre esprit. Que de points de vue inattendus, que de découvertes. Je vivais auprès de vous sans vous connaître, comme un Parisien dans Paris. Je ne vous déplais pas trop? C'est à moi de vous faire cette question. Je ressemble à un campagnard qui a hébergé une reine déguisée. Tout à coup, la reine met sa couronne et le rustre, confus, s'inquiète de ne pas lui avoir fait plus de fête. Oh, rassurez-vous, bon villageois, votre reine n'accusait que son incognito. Mais pourquoi l'avoir si longtemps gardée, méchante? Était-ce par coquetterie? Et pour faire nouvelle lune? Vous avez réussi. Je n'étais que votre mari, mais je veux être votre amant. Non, non, cher Gaston, restez mon mari. Il me semble qu'on peut cesser d'aimer son amant, mais non pas d'aimer son mari. Ah bah, vous n'êtes pas romanesque, au moins. Oh si, je suis, à ma manière. J'ai là-dessus des idées qui ne sont peut-être plus de mode, mais qui sont enracinées en moi, comme toutes les impressions d'enfance. Quand j'étais petite fille, je ne comprenais pas que mon père et ma mère ne fussent pas parents. Et le mariage est resté dans mon esprit comme la plus tendre et la plus étroite des parentés. L'amour pour un autre homme que mon mari, pour un étranger, me paraît un sentiment contre nature. Oh, mais voilà des idées de matrone romaine, ma chère Antoinette. Conservez-les toujours pour mon honneur et mon bonheur. Prenez garde, il y a le revers de la médaille. Je suis jalouse, je vous avertis. Et comme il n'y a pour moi qu'un homme au monde, il me faut toute son affection. Et le jour où je m'apercevrai qu'il la porte ailleurs, je ne ferai ni plainte ni reproche. Mais le lien serait rompu. Mon mari redeviendrait un étranger pour moi. Je me croirais veuve. Oh, diable. Ma chère Antoinette, vous n'avez rien à craindre à ce sujet. Nous vivrons comme deux tourtereaux, comme Philémon et Baucis, sans la chaumière. Vous ne tenez pas à la chaumière. Pas le bois du monde. Je veux donner une fête splendide pour célébrer notre mariage. Je veux que vous éclipsiez toutes les femmes et que tous les hommes me portent envie. Faut-il tant de bruit autour de notre bonheur? Est-ce que vous n'aimez pas les fêtes? Si, j'aime tout ce qui vous plaît. Avons-nous du monde à dîner ce soir? Non, non, non, c'est demain. Ce soir, nous n'avons que Montmérand. Pourquoi cette question? Dois-je faire une toilette? Mais certainement. Je veux qu'Hector, en te voyant, ait envie de se marier. Va, ma chère enfant. Cette journée te sera comptée dans mon cœur. Oh, je suis bien heureuse. Il n'y a pas à dire. Elle est beaucoup plus jolie que Madame de Monget. Le diable m'emporte si je ne suis pas en train de devenir amoureux de ma femme. Ah, l'amour est comme la fortune. Nous le cherchons bien loin et il nous attend chez nous, les pieds sur les chenets. Eh bien, mon cher beau-père, comment gouvernez-vous ce petit désespoir? Êtes-vous toujours furieux contre votre panier percé de gendre? Avez-vous pris votre parti? Non, monsieur, mais j'ai pris un parti. Ah, violent. Nécessaire. Y a-t-il de l'indiscrétion à vous demander? Au contraire, monsieur. C'est une explication que je vous dois. En vous donnant ma fille et 1 million... Oh. Je m'imaginais que vous consentiriez à prendre une position. Ne revenons pas là-dessus, je vous en prie. Je n'y reviens que pour mémoire. Je reconnais que j'ai eu tort d'imaginer qu'un gentilhomme consentirait à s'occuper comme un homme. Et je passe condamnation. Mais dans mon erreur, je vous ai laissé mettre ma maison sur un ton que je ne peux pas soutenir à moi seul. Et puisqu'il est bien convenu que nous n'avons à nous deux que ma fortune... Oh. Il me paraît juste, raisonnable et nécessaire de supprimer de mon train ce qu'il me faut rabattre de mes espérances. J'ai donc songé à quelques réformes que vous approuverez sans doute. Allez, Sully, allez, Turgot. Coupez, taillez, rognez, j'y consens. Vous me trouvez en belle humeur, profitez-en. Je suis ravi de votre condescendance. J'ai donc décidé, arrêté, ordonné. Permettez, mon cher beau-père, si vous avez décidé, arrêté, ordonné, il me paraît superflu que vous me consultiez. Aussi ne vous consultais-je pas. Je vous mets au courant, voilà tout. Ah, vous ne me consultez pas. Ça vous étonne? Un peu, oui. Mais je vous l'ai dit, je suis en belle humeur. Ma première réforme, mon cher garçon. Non, vous voulez dire mon cher Gaston, je suppose. La langue vous a fourché. Cher garçon, cher Gaston, c'est tout un. De beau père à gendre, la familiarité est permise. Et de votre côté, mon cher monsieur Poirier, elle me flatte et m'honore. Alors vous disiez donc que votre première réforme... C'est, monsieur, que vous me fassiez le plaisir de ne plus me gouailler. Je suis là de vous servir de plastron. Oh, monsieur Poirier, ne vous fâchez pas, je vous en prie. Vous me tenez pour un très petit personnage et un très petit esprit. Mais où prenez-vous cela? Vous saurez qu'il n'y a plus de cervelle dans ma pantoufle que sous votre chapeau. Oh, monsieur Poirier, voilà qui est trivial. Vous parlez comme un homme du commun. Je ne suis pas un marquis, moi. Ben, ne le dites pas trop haut, on finirait par le croire. On le croit ou non, c'est le cadet de mes soucis. Je n'ai aucune prétention à la gentilhommerie, Dieu merci. Je n'en fais pas assez de cas pour cela. Vous n'en faites pas assez de cas. Non, monsieur, non, monsieur, je suis un vieux libéral, tel que vous me voyez. Je me ris des hasards de la naissance. La noblesse ne m'éblouit pas. Et je m'en moque comme de l'an 40. Je suis bien aise de vous l'apprendre. Ah. Me trouveriez-vous du mérite, par hasard? Oh non, monsieur, je ne vous en trouve pas. Non. Alors pourquoi m'avez-vous donné votre fille? Hein? Pourquoi je vous ai donné? Vous aviez donc une arrière-pensée? Une arrière-pensée? Permettez. Votre fille ne m'aimait pas quand vous m'avez attiré chez vous. Ce n'était pas mes dettes qui m'avaient valu l'honneur de votre choix. Puisque ce n'était pas non plus mon titre, je suis bien obligé de croire que vous aviez une arrière-pensée. Ben quand même, monsieur. Quand j'aurais tâché de concilier mes intérêts avec le bonheur de mon enfant, quel mal y verriez-vous? Qui me reprochera à moi qui donne 1 million de ma poche? Ah ben, qui me reprochera de choisir un gendre en état de me dédommager de mon sacrifice, alors qu'il est aimé de ma fille. J'ai songé à elle d'abord, c'était mon devoir. Moi ensuite, c'était mon droit. Mais je ne conteste pas, monsieur Poirier. Vous n'avez commis qu'une faute, c'est de ne pas avoir assez confiance en moi. C'est que vous n'êtes guère encourageant. Oh, me tenez-vous rancune de quelques petites plaisanteries? Je ne suis peut-être pas le plus respectueux des gendres et je m'en accuse. Mais dans les choses sérieuses, je suis sérieux. Il est très juste que vous ayez cherché en moi l'appui que j'ai trouvé en vous. Comprendrait-il la situation? Alors voyons, mon cher beau-père. À quoi puis-je vous être bon? Si tant est que je puisse être bon à quelque chose. Eh bien, j'avais rêvé que vous iriez au palais des Tuileries. Encore? Mais c'est dans votre marotte de danser à la cour. Non, il ne s'agit pas de danser. Prêtez-moi des idées moins frivoles. Je ne suis ni vain ni futile. Mais qu'êtes-vous donc, ventre cinglé? Expliquez-vous. Je suis ambitieux. Mais on dirait que vous en rougissez. Pourquoi donc? Avec l'expérience que vous avez acquise dans les affaires, vous pouvez prétendre à tout. Le commerce est la véritable école des hommes d'État. Ah, c'est ce que Verdelet me disait ce matin. Ah, c'est là qu'on puise cette hauteur de vue, cette élévation de sentiments, ce mépris des petits intérêts qui font les Richelieu et les Colbert. Je ne prétends pas. Ah, alors voyons, mais qu'est-ce qui pourrait donc bien lui convenir à ce bon monsieur Poirier? Une préfecture? Puis donc, non. Le Conseil d'État? Non. Oh, un poste diplomatique. Justement, l'ambassade de Constantinople est vacante. Oh non, j'ai des goûts sédentaires. Je n'entends pas le turc. Attendez, je crois que la pairie vous irait comme un gant. Croyez-vous? Oh, oui, mais voilà le diable. Vous ne faites partie d'aucune catégorie. Vous n'êtes pas encore de l'Institut. Tranquille, je paierai quand il le faudra 3000 francs de contribution directe. J'ai à la banque 3 millions qui n'attendent que mot de vous pour s'abattre sur de bonnes terres. Machiavel, Sixte Quint, vous les roulerez tous? Je crois que oui. Mais je pense, mon cher beau-père, que votre ambition ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il vous faut un titre. Ah non, je ne tiens pas à ces hochets de la vanité. Ah non? Non, je suis, comme je vous le disais, un vieux libéral. Raison de plus, un libéral n'est tenu de mépriser que l'ancienne noblesse, mais la nouvelle, celle qui n'a pas d'ailleurs. Celle qu'on ne doit qu'à soi-même. Vous serez compte? Ah non. Si. Non. Il faut être raisonnable. Baron seulement. Ah. Le baron Poirier. Ça sonne bien à l'oreille. Oui, le baron Poirier. Oui, baron. Baron. Oh, je vous demande pardon, mais alors là, vrai, c'est trop drôle. Baron, monsieur Poirier, baron de Catillard. Je suis joué. Arrive donc. Sais-tu pourquoi Jean-Gaston de Presles a reçu 3 coups d'arquebuse à la bataille d'Ivry? Pourquoi François-Gaston de Presles est monté le premier à l'assaut de La Rochelle? Pourquoi Louis-Gaston de Presles s'est fait sauter à la hogue? Pourquoi Philippe-Gaston de Presles a pris 2 drapeaux à la bataille de Fontenoy? Pourquoi mon grand-père est mort à Quiberon? C'était pour que M. Poirier fût un jour père de France et baron. Que veux-tu dire? Voilà le secret du petit assaut qu'on m'a livré ce matin. Ah, je comprends. Savez-vous, monsieur le duc, pourquoi j'ai travaillé 14 heures par jour pendant 30 ans? Pourquoi j'ai amassé sou par sou 4 millions en me privant de tout? C'est afin que monsieur le marquis Gaston de Presles, qui n'est mort ni à Quiberon, ni à Fontenoy, ni à La Hogue, ni ailleurs, puisse mourir de vieillesse sur un lit de plumes après avoir passé sa vie à ne rien faire. Bien répliqué, monsieur. Voilà qui promet pour la tribune. Il y a là des messieurs qui demandent à voir l'appartement. Quel appartement? Celui de monsieur le marquis. Le prend-on pour un muséum d'histoire naturelle? Priez ces messieurs de repasser. Excusez-moi, mon gendre. Mais entraîné par la gaieté de votre entretien, je n'ai pas pu vous dire que je loue le premier étage de mon hôtel. Hein? C'est une des petites réformes dont je vous parlais. Mais où comptez-vous me loger? Au second. Le logement est assez grand pour nous contenir tous. L'arche de Noé? Il va sans dire que je loue les écuries et les remises. Et mes chevaux, vous les logez au deuxième aussi? Vous les vendrez. J'irai donc à pied. D'ailleurs... Tu marches pas assez, ça te fera bien. Je garde mon coupé bleu, je vous le prêterai. Oui, quand il fera beau. Mais ça, monsieur Poirier, vous... Monsieur Vatel demande à parler à monsieur le marquis. Mais qu'il est enfin. Quelle est cette tenue, monsieur Vatel? Êtes-vous d'enterrement ou la marée manque-t-elle? Je viens donner ma démission à monsieur le marquis. Votre démission? La veille d'une bataille? Telle est l'étrange position qui m'est faite. Je dois déserter pour ne pas me déshonorer. Que monsieur le marquis daigne jeter les yeux sur le menu que m'impose monsieur Poirier. Voyons que vous impose monsieur Poirier. Oh, le lapin sauté. C'est le plat de mon vieil ami du Caillou. La dinde au marron. C'est le régal de mon camarade Groschenet. Vous traitez la rue des Bourdonnais? En même temps que le faubourg Saint-Germain. J'accepte votre démission, monsieur Vatel. Ainsi, demain, mes amis auront l'honneur d'être présentés au vôtre. Vous l'avez dit, monsieur le marquis, ils auront cet honneur. Monsieur le duc sera-t-il humilié de manger ma soupe entre monsieur et madame Pincebourde? Nullement! Cette petite débauche ne me déplaira pas. Mmh. Madame Pincebourde doit chanter au dessert. Mmh. Après le dîner, nous ferons un sans piquet. Ou un loto. Ou un nain jaune. Et de temps en temps, nous renouvellerons cette petite bamboche. Mon salon sera ouvert tous les soirs et vos amis seront toujours les bienvenus. Oh, mais en effet, monsieur Poirier, votre maison va devenir un lieu de délices, une petite capoue. Je craindrais de m'y amollir. J'en sortirai pas plus tard que demain. J'en serai au gré, mais mon hôtel n'est pas une prison. Quelle carrière embrasserez-vous? La médecine ou le barreau? Qui songe à cela? Les ponts et chaussées, peut-être? Ou le professorat? Car vous ne pensez pas tenir votre rang avec 9000 francs de rang. 9000 francs de rang? Dame, le bilan est facile à établir. Vous avez reçu 500 000 francs de la dot de ma fille. La corbeille et les frais d'installation en ont absorbé 100 000. Vous venez d'en donner 282 000 à vos créanciers. Il vous reste donc 82 000 francs qui, placés au taux légal, vous rapportent 9 000 livres de rente. Est-ce avec ce revenu que vous nourrirez vos amis de carpes à la lituanienne et de volailles à la concordat? Croyez-moi, mon cher garçon, restez chez moi. Vous y serez mieux que chez vous. Songez à vos enfants qui ne seront pas fâchés plus tard de trouver dans la poche du marquis de Presles les économies du bonhomme Poirier. À bientôt, mon gendre. Je vais régler le compte de monsieur Paquet. Oh, tu trouves ça drôle, toi? Oui, ma frère, oui. Voilà donc ce beau père, modeste et nourrissant comme tous les arbres à fruits. Ce Georges Dandin, tu as trouvé ton maître, mon fils. Mais au nom du ciel, ne fais pas cette piteuse mine. Tu as l'air d'un paladin qui partait pour la croisade et que la pluie a fait rentrer Rudon un peu, l'aventure n'est pas tragique. Tu as raison. Parbleu, monsieur Poirier, mon beau-père, vous me rendez là un service dont vous ne vous doutez pas. Un service? Ah oui, mon chemin, oui, j'allais tout simplement me couvrir de ridicule. J'étais en bon chemin de devenir amoureux de ma femme. Mais heureusement, monsieur Poirier m'arrête à la première station. Ta femme n'est pas responsable des sottises de Poirier, elle est charmante. Laisse-moi tranquille, elle ressemble à son père. Mais pas le moins du monde. Je te dis qu'elle a un air de famille. Je ne pourrais plus l'embrasser sans penser à ce vieux crocodile. Et puis je voulais bien rester au coin du feu, mais puisqu'on y met la marmite, bonsoir. Où vas-tu? Chez madame de Monget. Voilà 2 heures qu'elle m'a dit. Ah non, Gaston n'y va pas. Ah, on veut me rendre la vie dure ici, on veut me mettre en pénitence. Écoute pas, non. Tu n'as rien à me dire. Et ton duel? Ah oui, c'est vrai. Tu te bats demain à 2 heures au bois de Vincennes. Ah, très bien. De l'humeur dont je suis, Pont-Grimaud demain passera un joli quart d'heure. Vous sortez, mon ami? Oui, madame. Je sors. Dis-le, Antoineau. Il n'a pas l'air d'humeur aussi charmante que tu le disais. Mais je n'y comprends rien. Il se passe ici des choses graves, madame. Quoi donc? Votre père est ambitieux. Ambitieux? Poirier? Il comptait sur le nom de son gendre pour arriver et... À la pairie, comme Monsieur Michaud. Irrité du refus de Gaston, il cherche à se venger à coups d'épingle. Et je crains bien que ce ne soit vous qui payez les frais de la guerre. Comment cela? Mais c'est bien simple. Si ton père rend la maison odieuse à ton mari... Il cherchera des distractions dehors. Des distractions dehors? Ah, monsieur Verdelet a mis le doigt sur le danger et vous seul pouvez le prévenir. Si votre père vous aime, mettez-vous entre lui et Gaston. Obtenez la cessation immédiate des hostilités. Rien n'est encore perdu. Enfin, tout peut se réparer. Rien n'est encore perdu? Tout peut se réparer, mais vous me faites trembler. Contre qui donc ai-je à me défendre? Contre votre père? Non. Vous ne me dites pas tout. Les torts de mon père ne m'enlèveraient pas mon mari en un jour. Il fait la cour à une autre femme, n'est-ce pas? Non, madame, mais... Pas de ménagement, monsieur le duc. J'ai une rivale. Calmez-vous, madame. Je le devine. Je le sens, je le vois. Il est auprès d'elle? Non, madame, il vous aime. Il ne me connaît que depuis une heure. Et ce n'est pas à moi qu'il a éprouvé le besoin de raconter sa colère. Il est allé se plaindre ailleurs. Mais ne te bouleverse pas comme ça, toi, non. Il est allé prendre l'air, voilà tout. C'était mon remède quand Poirier m'exaspérait. Une lettre pour monsieur le marquis. Il est sorti, mettez-la là. Une écriture de femme? De quelle part? C'est le valet de pied de madame de Monget qui l'a porté. De madame de Monget? Je verrai Gaston avant vous, madame, si vous voulez, je lui remettrai cette lettre. Craignez-vous que je ne l'ouvre? Oh, madame. Elle se sera croisée avec Gaston. Oh, qu'est-ce que tu vas supposer là? La maîtresse de ton mari n'aurait pas l'audace de lui écrire chez toi? Pour ne point oser lui écrire chez moi, elle voudrait qu'elle me méprisât bien. D'ailleurs, je ne dis pas qu'elle soit sa maîtresse. Mais... Je dis qu'il lui fait la cour. Je le dis parce que j'en suis sûre. Je vous jure, madame. L'oseriez-vous jurer sérieusement, monsieur le duc? Mon serment ne vous prouvait rien, car un galant homme a le droit de mentir en pareil cas. Quoi qu'il en soit, madame, je vous ai prévenu du danger. Je vous ai indiqué le moyen d'y échapper. J'ai rempli mon devoir d'ami et d'honnête homme. Ne m'en demandez pas plus. Je viens de perdre tout ce que j'avais gagné dans le cœur de Gaston. Il m'appelait marquise il y a une heure. Mon père lui a rappelé brutalement que je suis mademoiselle Poirier. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas aimer mademoiselle Poirier? Mon dévouement aurait fini par le toucher, peut-être. Ma tendresse par attirer la sienne. Il était déjà sur la pente insensible qui le conduisait à moi. Mon père lui fait rebrousser chemin. Sa maîtresse? Mais il est impossible qu'elle le soit déjà, n'est-ce pas, Tony? Est-ce que tu crois qu'elle l'est? Moi, mais pas du tout. Mais enfin, qu'il lui fasse la cour depuis quelque temps, je le comprends. Mais pour être son amant, il faudrait qu'il eût commencé le lendemain de notre mariage et ce serait odieux. Mais oui, mon enfant. Enfin, Tony, il ne m'a pas épousée avec la certitude qu'il ne m'aimerait jamais. Il n'a pas dû me condamner si vite. Mais non, pas. Non, Tony, il n'en a pas l'air, bien sûr. Es-tu fou, Tony, d'accueillir un pareil soupçon? Je te jure que mon mari est incapable d'une infamie. Enfin, réponds donc que c'est évident. Le prends-tu pour un misérable? Mais non, pas. Eh bien alors. Tu peux jurer qu'il est innocent? Jure-le, mon beau Tony, jure-le! Je le jure. Je le jure! Mais alors pourquoi lui écrit-elle? Mais pour l'inviter à quelques soirées, tout simplement. Oh, une soirée bien pressée pour qu'elle lui envoie l'invitation par un domestique. Oh, quand je pense que le secret de ma destinée est enfermé sous ce pli. Allons-nous-en. Oui, bien. Cette lettre m'attire, je Allez, suis viens, tentée. Viens, viens, viens, tu as raison. Bibi, Antoinette! Quoi? Qu'est-ce qu'elle regarde là? Une lettre? Oui, c'est pour monsieur de Presles. Laissez, mon père. Jolie écriture. Ça ne sent pas le tabac, C'est une lettre de femme. Oui, de Madame de Monget, mais oh, je trouve que c'est... Comme tu as l'air agitée, tu as la fièvre. Non. Mais si, fait, tu as la fièvre. Mais non, mon père. Alors allons, il y a quelque chose. Laisse-la tranquille. Elle est jalouse. Jalouse. Est-ce que le marquis te fait des traits par hasard? Mon père, si vous m'aimez... Oh non, non, non, si je le savais, si je t'aime... Ne tourmentez plus Gaston. Est-ce que je le tourmente? Je fais des économies, voilà tout. Non, tu fais des taquineries, elle retombe sur ta fille. Toi, mêle-toi de ce qui te regarde. Voyons, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a fait ce Rien, monsieur? Rien, ne le querellez pas, je vous en prie. Est-ce que tu crois que Madame de Monget... Oh non, non. Elle le croit, n'est-ce pas, Merdelet? Elle suppose... Elle suppose, oui, mais il est facile de s'en assurer. Mon père, le secret d'une lettre est sacré. Rien sacré pour moi que ton bonheur. Poirier, prends garde, Poirier, que dira ton genre? Mais je me soucie bien de ce que dira mon genre. Ne lisez pas, au nom du ciel. Je lirai. Si ce n'est pas mon droit, c'est mon devoir. Cher Gaston, ce... Oh, c'est l'air. Oh, mon Dieu. Et c'est toi qui m'as laissé faire ce mariage-là. Ça, c'est trop fort. Mais quand je t'ai consulté, pourquoi t'es tout premier en travers? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui arriverait? Mais je te l'ai dit 20 fois. Mais monsieur était ambitieux. Ah, ça m'a bien réussi. Père Bonessence. Oh, mon Dieu. Toi, non. Mon enfant, reviens à toi. Toi de là, est-ce que tu sais ce qu'il faut lui dire? Toi, non, mon enfant, reviens à toi. Toi, non, mon enfant, reviens à toi. Oh, sois tranquille, je te débarrasserai de ce monstre. Oh, mais qu'ai-je donc fait au bon Dieu pour être éprouvée de la sorte après 3 mois de mariage? Non. Le lendemain, il ne m'a pas été fidèle un jour. Il a couru chez cette femme en sortant de mes bras. Il n'avait donc pas senti battre mon cœur. Il n'avait donc pas compris que je me donnais à lui tout entière. Le malheureux. J'en mourrai. Mourir? Mais je te le défends. Qu'est-ce que je deviendrai, moi? Où vas-tu? Chez moi. Veux-tu que je t'accompagne? Non, merci, mon père. Les gens la pleuraient seuls. Les larmes la soulagent. Quel mariage, mon Dieu, quel mariage! Calme-toi, Poirier, calme-toi. Tout peut encore se réparer. Notre devoir, maintenant, c'est de rapprocher ces deux cœurs. Mon devoir, je le connais. Et je le ferai. Je t'en supplie, Poirier, pas de coup de tête. Cherchez quelque chose, monsieur? Oui, monsieur, une lettre. De Madame de Monget. Ne cherchez pas, elle est dans ma poche. L'auriez-vous ouverte par hasard? Oui, monsieur, je l'ai ouverte. Vous l'avez ouverte? Savez-vous bien que c'est une indignité? Que c'est l'action d'un malhonnête homme? Monsieur le marquis. Il n'y a ici que malhonnête homme, monsieur, c'est vous. Croyez. Pas de reproche. En me volant le secret de mes fautes, vous avez perdu le droit de les juger. Qu'est-ce que je te disais? C'est trop fort, par exemple. Alors un père n'aurait pas le droit? Mais je suis bien bon de répondre. Vous vous expliquerez devant les tribunaux, monsieur. Les tribunaux? Ah, vous croyez qu'on peut impunément apporter dans une famille l'adultère et le désespoir? Un bon procès, monsieur! Un procès en séparation de corps! Un procès où cette lettre sera lue? En public, oui, monsieur, en public! Je suis fou pour rien, un pareil scandale! Enfin, vous n'y pensez pas, monsieur, vous allez perdre une femme! Vous allez me parler de son honneur, peut-être. Mais oui, monsieur, de son honneur. Et si ce n'est pas assez pour vous, je vous dirai qu'il va le servir. Tant mieux, morbleu, tant mieux, j'en suis ravi! Elle ne sera jamais trop punie, celle-là! C'est monsieur! Oh, voilà une, par exemple, qui n'intéressera personne. Mais elle est moins coupable que moi, monsieur, l'accusée que moi! Prendre le mari d'une pauvre jeune femme après 3 mois de mariage. Si vous croyez que je ne vous crois pas comme le dernier des derniers, ah, vous n'êtes pas honteux. Sacrifier une femme charmante, trouvez-lui un défaut, un seul, pour vous excuser. Des yeux superbes, un cœur d'or et une éducation. Tu sais ce qu'elle m'a coûté, Verdelet. Calme-toi, modère-toi, Poirier, modère-toi. Crois-tu que je ne me modère pas? Si je m'écoutais, mais non, il y a les tribunaux, je vais chez mon ami. Attendez juste un peu, monsieur, donnez-vous le temps de la réflexion. C'est pour réfléchir. Aidez-moi à prévenir un malheur irréparable. Vous ne le connaissez pas. Prenez garde, monsieur Poirier, je dois sauver cette femme. Je dois la sauver à tout prix. Vous ne savez pas jusqu'où le désespoir pourrait m'emporter. Les menaces? Oui, monsieur, les menaces. Donnez-moi cette lettre, vous ne sortirez pas. La violence? Faut-il que je sonne mes gens? Non, attendez. Vous avez raison, ma tête se perd, mais. Écoutez-moi, au moins, vous n'êtes pas méchant, c'est la douleur, c'est la colère qui vous égare. Colère légitime, monsieur. Douleur respectable. Mais oui, monsieur, je reconnais mes fautes. Et je les déplore. Mais si je vous jurais de ne plus revoir Madame de Monget, si je vous jurais de consacrer ma vie au bonheur de votre fille... Ce sera la deuxième fois que vous me jureriez, allez, finissez. Non, arrêtez, monsieur. Vous aviez raison, ce matin, c'est le désœuvrement qui m'a perdu. Ah, vous le reconnaissez, maintenant. Eh bien, si je prenais un emploi... Un emploi, vous? Oui, je sais, vous pouvez douter de ma parole, mais gardez cette lettre. Et si je manque à mes engagements, Vous serez toujours à attendre. C'est vrai, ça. Eh bien, tu acceptes. Tout vaut mieux qu'une séparation. Ah, c'est pas tout à fait mon avis. Mais enfin, puisque tu l'exiges... Je souscris pour ma part, monsieur, au traité que vous m'offrez. Il ne me reste plus qu'à consulter ma fille. Oh, ce n'est pas ta fille qui demandera du scandale. Allons la trouver. Croyez bien qu'en tout ceci, monsieur, je ne consulte que le bonheur de mon enfant. Pour que vous n'ayez pas le droit d'en douter, je vous déclare que je n'attends plus rien de vous, que je n'accepterai rien et resterai gros Jean comme devant. C'est bien, Poirier. Ah, à moins pourtant qu'il ne rende ma fille si heureuse que... Oh, alors là... Ah, tu l'as voulu, Marquis de Pré. Tu l'as voulu. N'accuse que toi. Ah, je te cherchais. Eh bien, qu'as-tu donc? Tu sais ce que mon beau-père me demandait ce matin? Oui, eh bien. Si on te disait que j'accepte? Je répondrai que c'est impossible. C'est la vérité, Bocan. Tu es fou. Tu le disais toi-même ce matin, s'il est un homme qui n'est pas le droit. Il le faut. Ce Poirier a trouvé et ouvert une lettre de Madame de Mongey. Dans sa colère, il voulait la porter chez son avoué. Pour l'arrêter, j'ai dû me mettre à sa discrétion. Oh. Pauvre ami, dans quel abîme as-tu roulé? Si ton Grimaud pouvait me tuer demain, quel service me rendrait? Alors, voyons, voyons pas de ces idées-là. Mais ça arrangerait tout. Mais tu n'as que 30 ans, ta vie peut être belle encore. Oh, ma vie. Regarde où j'en suis. Ruiné. Esclave d'un beau-père dont le despotisme s'autorisera de mes fautes. Mari d'une femme que j'ai blessée au cœur et qui ne l'oubliera jamais. Tu dis que ma vie peut être belle encore? Mais j'ai tout perdu. L'estime du monde, la mienne propre. Ah, oh, quelle pitié. Alors, voyons, voyons. Ne te laisse pas abattre. Du courage. Oui, tu as raison. Je ne suis qu'un lâche. Un gentilhomme a le droit de tout perdre. Fort l'honneur. Que vas-tu faire? Ce que tu feras à ma place. Ah non! Tu vois bien que si, puisque tu m'as compris. Enfin, tais-toi! Non, je n'ai plus que mon nom, mais je veux le garder intact. C'est impossible. Tais-toi, monsieur. Tout est fini entre monsieur de Prel et moi. Je ne te reconnais plus là, mon enfant. Puisque je te dis qu'il prendra une occupation, qu'il ne reverra jamais cette femme, qu'il te rendra heureux. Il n'y a plus de bonheur pour moi. Si monsieur de Prel ne m'a pas aimé librement, croyez-vous qu'il m'aimera par contrainte? Répondez, monsieur, dites quelque chose. Monsieur de Prel se sait. Il sait que je ne croirai pas à ses protestations. Il sait aussi que tout lien est rompu entre nous et qu'il ne peut plus être qu'un étranger pour moi. Reprenons donc tous les deux ce que la loi peut nous rendre de liberté. Je veux une séparation, mon père. Donnez-moi cette lettre. Oh. C'est à moi seul, qu'il appartient d'en faire usage. Je t'en supplie, mon enfant. Songe au scandale qui va nous éclabousser tous. Il ne salira que les coupables. Pense à cette femme. A-t-elle eu pitié de moi? Donnez-moi cette lettre. Ce n'est pas votre fille qui vous la demande, c'est la marquise de Prel outragée. La voici. Mais puisqu'il prendrait une occupation... Donnez. Je tiens ma vengeance, monsieur, elle ne saurait m'échapper. Vous aviez engagé votre honneur pour sauver votre maîtresse. Je le dégage. Et vous le rends. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, madame. Comment vous exprimer? Orgueilleux que j'étais. Je croyais mettre mes alliés. Et vous portez mon nom mieux que moi. Ce ne sera pas trop de toute ma vie pour réparer le mal que j'ai fait. Je suis veuve, monsieur. Je te dis que tu l'aimes encore. Et moi, je te dis que tu le hais. Mais non, Poirier. Mais si. Alors, ce qui s'est passé hier ne te suffit pas. Tu voudrais que ce vaurien m'enleva ma fille à présent. Je voudrais que l'existence d'Antoinette ne fût pas jamais perdue. Et à la façon dont tu t'y prends... Mais je m'y prends comme il me plaît. Vers de lait. Oh, ça t'est perdu facile de faire le bon apôtre, hein? Tu n'es pas couteau tiré avec le marquis, toi. Une fois qu'il aura emmené sa femme, tu serais toujours fourré chez elle, et moi je resterai seul, dans mon trou, comme un chat-huant. Voilà ton rêve, hein? Oh, je te connais, égoïste, comme tous les vieux garçons. Regarde, Vert de lait, es-tu sûr qu'en poussant les choses à l'extrême, tu n'obéisses pas toi-même à un sentiment d'égoïsme? Nous y voilà, c'est moi qui suis l'égoïste à présent. Parce que je défends le bonheur de mon enfant. Parce que je ne veux pas que mon gueux-jambre m'arrache ma fille pour la torturer. Mais dis donc quelque chose, toi, ça te regarde plus que moi. Hein? Je ne l'aime plus, Tony. Il a tué dans mon cœur tout ce qui fait l'amour. Ah! Je ne le hais pas, mon père. Il m'est indifférent, je ne le connais plus. Eh bien, ça me suffit. Toi, non, tu commences la vie à peine. As-tu réfléchi sur la destinée d'une femme séparée de son mari? T'es-tu jamais demandé? Oh non, non, fais-nous grâce de tes sermons, Berdeleur. Elle sera parbleu bien à plaindre avec son vieux bonhomme de père qui n'aura plus d'autre ambition que de l'aimer, que de la dorloter. Tu verras, Fifi, quelle bonne existence nous mènerons à nous deux. À nous trois, car je vaux mieux que toi, gros égoïste. Tu verras comme nous t'aimerons, comme nous te câlinerons. Ah, c'est pas nous qui te planterons là pour courir après des comtesses. Alors, faites tout de suite une risette à ce père. Dites-lui que vous serez heureuse avec lui. Mais hein? Oui, mon père, bien heureuse. Tu l'entends, Verdelet? Oui. Quant à ton garnement de mari, tu as été trop bonne pour lui, ma fille. Nous le tenions. Enfin, je lui servirai une pension de 1000 écus, il ira se faire pendre ailleurs. Qu'il prenne tout. Qu'il emporte tout ce que je possède. Oh là là, que non pas. Je ne demande qu'une chose, c'est de ne jamais le revoir. Il entendra parler de moi sous peu. Je viens de lui décocher un dernier trait. Qu'avez-vous fait? En quittant hier, je suis allé chez avec Verdelet chez mon notaire. Eh bien? J'ai mis en vente le château de Presles. Le château de messieurs Seppert. Vous avez fait ça? Et toi, Tony, tu l'as laissé faire? La vente noire à bon nez. J'espère qu'avant un mois, ce vestige de la féodalité ne souillera plus le sol d'un peuple libre. Sur son emplacement, on plantera des betteraves. Avec ces matériaux, on construira des chaumières pour l'homme utile, pour le laboureur, pour le vigneron. Le parc de ses pères, on le rasera, on le sciera en petits morceaux, on le brûlera dans la cheminée des bons bourgeois qui ont gagné de quoi acheter du feu. J'en ferai venir quelques serres pour ma consommation personnelle. Mais il croira à une vengeance. Oh, il aura raison. Il croira que c'est moi. Sois tranquille, mon enfant. Ah, je vais voir si les affiches sont prêtes. Des affiches énormes dont nous couvrirons les murs de Paris. À vendre le château de Presles. Il est peut-être déjà vendu. Depuis hier soir? Allons donc, je vais chez l'imprimeur. Ton père est absurde, mon enfant. Si on le laissait faire, il rendrait tout rapprochement impossible entre ton mari et toi. Oh, qu'espères-tu donc, mon pauvre Tony? Mon amour est tombé de trop haut pour pouvoir se relever jamais. Tu ne sais pas ce que M. de Presles était pour moi. Mais si, je le sais. Ce n'était pas seulement un mari. C'était un maître, dont j'aurais été fière d'être la servante. Je ne l'aimais pas seulement. Je l'admirais, comme un représentant d'un autre âge. Oh, Tony, quel réveil! Monsieur le Marquis demande si Madame peut le recevoir. Non. Si, reçois-le, toi, Nancy. Monsieur le Marquis peut entrer. Mais à quoi bon? Rassurez-vous, madame. Vous n'aurez pas longtemps l'ennui de ma présence. Vous l'avez dit hier, vous êtes veuve. Et je suis trop coupable pour ne pas sentir que votre arrêt est irrévocable. Je viens vous dire adieu. Comment, monsieur? Oui, monsieur. Je prends le seul parti honorable qui me reste. J'ai un état, celui de mon père, soldat. Je pars demain pour l'Afrique avec monsieur de Montméran qui me sacrifie son congé. C'est un homme de cœur. Je n'ai jamais dit qu'il fût lâche. Voyons, mes enfants, ne prenez pas de résolution extrême. Vos torts sont bien grands, monsieur le marquis, mais vous ne demandez qu'à les réparer, j'en suis sûr. Oh, s'il était une expiation. Il n'en est pas, monsieur. Je vous laisse mon nom, madame. Vous le garderez sans tâche. J'emporte le remords d'avoir troublé votre vie. Mais vous êtes jeune, vous êtes belle. Et la guerre a d'heureux hasards. Je viens chercher. Allons. Adieu, monsieur Babelet. Adieu, madame. Et pour toujours. Il vous aime, madame. Tais-toi. Il vous aime éperdument. En sortant de l'abîme dont vous l'avez tiré, ses yeux se sont ouverts et il vous a vu tel que vous êtes. Mademoiselle Poirier l'emporte sur madame de Monget. Quel triomphe. Oh, tu es cruel. Mais c'est justice, monsieur. Elle était digne de l'amour le plus pur. Je l'ai épousée pour son argent. J'ai fait un marché. Un marché que je n'ai pas même eu la probité de tenir. Oui, madame. Le lendemain de notre mariage, je vous sacrifiais à une femme qui ne vous vaut pas. C'était trop peu de votre jeunesse, de votre grâce et de votre pureté. Pour éclairer ce cœur aveugle, il vous a fallu en un jour me sauver deux fois l'honneur. Vous avez raison, madame. Mépriser un cœur indigne de vous. J'ai tout perdu. Jusqu'au droit de me plaindre. Et je ne me plains pas. Allons, viens. Attends. Savez-vous où il va, madame? Sur le terrain. Sur le terrain? Que fais-tu? Et puisque ta femme ne t'aime plus, on peut bien lui dire. Oui, madame, il va se battre. Tony, sa vie est en danger. Mais que vous importe? Tout n'est-il pas rompu entre vous? Oui, monsieur le duc, vous avez raison, tout est rompu. Monsieur de Presles peut disposer de sa vie, il ne me doit plus rien. Allons, viens. Gaston! Tu vois bien qu'elle t'aime encore. Mais s'il est vrai, madame, si je ne suis pas sorti tout à fait de votre cœur, me dites un mot. Donnez-moi le désir de vivre. Qu'est-ce que vous faites donc là, monsieur le marquis? Il va se battre, mon père. Oh, un duel, ça t'étonne. Les maîtresses, les duels, tout ça se tient. Qui intère à guerre? Ce n'est pas vrai. Supposons-nous que... J'en mettrai ma main au feu. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Vous ne répondez pas. Je ne sais pas mentir, madame. Ce duel est tout ce qui reste d'un passé odieux. Il a l'audace de l'avouer, quel cynisme. Et on me dit que vous m'aimez. Et j'étais prête à vous pardonner au moment où vous alliez vous battre pour votre maîtresse. On faisait de cette dernière offense un piège à ma faiblesse. Oh, monsieur le duc. Il vous l'a dit, madame, ce duel est le reliquat d'un passé qu'il déteste et qu'il voudrait anéantir. Eh bien, monsieur le marquis, c'est bien simple. Si vous n'aimez plus madame de Monget, ne vous battez pas pour elle. Comment, monsieur? Faire des excuses? Il s'agit de donner à Antoinette une preuve de votre sincérité. C'est la seule que vous puissiez lui offrir. Mmh. Non, le sacrifice est très grand, je le sais. Mais s'il l'était moins, pourrait-il racheter vos torts? Voilà cet imbécile qui va les raccommoder maintenant. Je ferai avec joie le sacrifice de ma vie pour réparer mes fautes. Mais celui de mon honneur, la marquise de Presles ne l'accepterait pas. Et si vous vous trompiez, monsieur, si je vous le demandais? Mais comment, madame, vous exigeriez... Que vous fassiez pour moi presque autant que pour madame de Monget, oui, monsieur. Vous consentiez pour elle à renier le passé de votre famille. Et vous ne renonceriez pas pour moi à un duel qui m'offense. Comment croirais-je à votre amour, s'il est moins fort que votre vanité? D'ailleurs, vous serez bien avancé quand vous aurez attrapé un mauvais coup. Et croyez-moi, prudence est mère de sûreté. Je sais pas. Voilà ce qu'on dirait, madame. Qui oserait douter de votre courage? N'avez-vous pas fait vos preuves? Que vous importe l'opinion d'un tas de Godeluro? Vous aurez l'estime de mes amis, cela doit vous suffire. Vous l'entendez, madame. On rirait de moi. Vous n'aimeriez pas longtemps un homme ridicule. Personne ne rira de toi, c'est moi qui porterai tes excuses sur le terrain et je te promets qu'elles n'auront rien de plaisant. Comment, tu es aussi d'avis, toi? Oui. Ton duel n'est pas de ceux qu'il ne faut pas arranger et le sacrifice dont se contente ta femme ne touche qu'à ton amour propre. Et des excuses sur le terrain? J'en ferai, moi. Décidément, Poirier, tu veux forcer ton gendre à se battre? Ouais, je fais tout ce que je peux pour l'en empêcher. Gaston, tu n'as pas le droit de refuser cette marque d'amour à ta femme. Eh bien... Mon pardon est à ce prix. Et reprenez-le, madame. Je ne porterai pas loin mon désespoir. Taratata, l'écoute pas, Fifi. Quand il aura l'épée à la main, il se défendra malgré lui. Si madame de Monget vous défendait de vous battre, vous lui obéiriez. Adieu. Antoinette, écoutez-moi. Enfin, elle a mille fois raison. Vous faites des excuses, moi! Vous n'avez que de l'orgueil! Voyons, Gaston, mais fais-toi violence, je te jure! Qu'à ta place, moi, je n'hésiterai pas. Eh bien. Un don Grimaud. Va sans moi. Eh bien, êtes-vous contente de lui? Oui. Tout est réparé, Gaston. Je n'ai plus rien à vous pardonner. Je vous crois. Je suis heureuse. Je vous aime. Et maintenant, va te battre. Va. Mais tiens, le cœur de ma mère. Non, celui de la mienne, monsieur. Oh, que les femmes sont bêtes, bon Dieu. Allons, nous arrivons les derniers. Vous tirez bien l'épée, n'est-ce pas? Oh, comme Saint-Georges, madame, un poignet d'acier. Monsieur Poirier, priez pour Congriveau. N'allez point tuer ce pauvre jeune homme, au moins. Il en serait qui de brûler les gratignures, puisque tu m'aimes. Une lettre pour monsieur le marquis. Encore? Ouvrez-la vous-même. C'est la première, monsieur. J'en suis sûr. C'est de monsieur de Pont-Grimaud. Oh, ah ben. Mon cher marquis, nous avons fait tous les deux nos preuves. Je n'hésite donc pas à vous dire que je regrette un moment de vivacité. Ah oui, ma part. Vous êtes le seul homme du monde à qui je consentisse à faire des excuses. Et je ne doute pas que vous les acceptiez aussi galamment qu'elles vous sont faites. Ni plus ni moins. Tout à vous de cœur, vicomte de Pont-Grimaud. Il n'est pas vicomte, il n'a pas de cœur, il n'a pas de pompe, mais il est Grimaud, sa lettre finit bien. Tout s'arrange pour le mieux, mon cher enfant. Car j'espère que vous êtes corrigé. À tout jamais, monsieur Berdelet. Et pour rompre définitivement avec les folies de mon passé, je vous demande une place dans vos bureaux. Dans mes bureaux? Vous? Un gentil homme. Ne dois-je pas nourrir ma femme? Oh, ça c'est bien, monsieur le marquis. Exécutons-nous. C'est très bien, mon gendre. Voilà des sentiments véritablement libéraux. Nous sommes faits pour nous entendre. Vous étiez digne d'être un bourgeois. Alors faisons la paix et restez chez moi. Faisons la paix, je le veux bien, monsieur Poirier. Quant à rester chez vous, c'est une autre affaire. Vous m'avez fait comprendre le bonheur du charbonnier qui est maître chez lui. Je ne vous en veux pas, mais je m'en souviendrai. Vous emmenez ma fille? Vous me laissez seul dans mon trou, comme un chat-huant? J'irai vous voir souvent, mon père. Et vous serez toujours le bienvenu chez moi. Ma fille va être la femme d'un commis marchand. Non, Poirier. Ta fille sera châtelaine de Presles. Le quoi? Château est vendu depuis ce matin. Depuis ce matin? Oui. Oh! À toi, vieux serpent! Hein? Oui. Et avec la permission de ton mari, toi, non, ce sera mon cadeau de noces. Oh, bon Tony! Vous me permettez d'accepter, Gaston? Monsieur Verdelet est de ceux envers qui la reconnaissance est douce. Oh. Je quitte le commerce. Je m'installe chez vous, monsieur le marquis, si vous le trouvez bon, et nous cultiverons vos terres ensemble. C'est un métier de gentilhomme. Alors et moi, on ne m'invite pas? Tous les enfants sont des ingrats, mon pauvre père avait raison. Ben, achète une propriété et viens vivre auprès d'eux. Ah, c'est une idée, ça. Et parbleu-tu là que ça a à faire, car tu es guéri de ton ambition, je pense. Nous sommes en 1846. Je serai député de l'arrondissement de Presles en 47 et pair de France en 48. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons eu l'honneur de jouer devant vous est de Émile Augier et Jules Sandeau. La mise en scène était de Robert Manuel. Les robes de Mademoiselle Danielle Vol ont été... Les robes de Mademoiselle Danielle Vol ont été dessinées par Donald Cardwell. Avec Edward Sanderson. Raoul Delfos. Jean-François Calvé. Henri Crémieux. Daniel Vol. Alain Fèvre. Robert Manuel. Dans Monsieur Poirier, Georges Chamara. Et mon gendre Jacques Toja.